alors, évidemment, j'ai eu tort. Ça aurait pu durer encore, mais alors, nous aurions vécu comment? De compromis en faux semblant, histoire de gagner du temps. Gagner du temps, mais pourquoi faire? Et alors, il valait mieux finir la guerre et se séparer simplement. Mais alors, rien ne s'est passé comme prévu. Les vrais faux amis sont venus mêler leurs fiels, leurs points de vue. La guerre a duré plus longtemps. On s'est quitté, perdu, perdant. Évidemment, j'ai eu tort. Et alors, évidemment, j'ai eu tort de croire qu'il fleurirait encore l'arbre mort pendant que l'on perdait la paix. Les vrais faux gentils nous lynchaient avec leurs lettres de cachet. Évidemment, j'ai eu tort. Faut-il quand on tourne la page mêler les enfants au naufrage, prendre le passé en otage? Quand sous les larmes du regret le masque du fric apparaît, est-ce que le silence est d'or? La guerre a duré plus longtemps. On s'est quitté, perdu, perdant. Évidemment, j'ai eu tort. Et alors?